Je n'ai pas à me demander à quelle émouvante prédiction se rattache cette attitude. J'ai seulement à me demander si le spectacle de l'absurde et son caractère propre la légitime. Sur ce point, je sais que cela n'est pas. À considérer de nouveau le contenu de l'absurde, on comprend mieux la méthode qui inspire Kierkegaard. Entre l'irrationnel du monde et la nostalgie révoltée de l'absurde, il ne maintient pas l'équilibre. Il n'en respecte pas le rapport qui fait à proprement parler le sentiment de l'absurdité. Certain de ne pouvoir échapper à l'irrationnel, il peut du moins se sauver de cette nostalgie désespérée qui lui paraît stérile et sans portée. Mais s'il peut avoir raison sur ce point dans son jugement, il ne saurait en être de même dans sa négation. S'il remplace son cri de révolte par une adhésion forcenée, le voilà conduit à ignorer l'absurde qu'il éclairait jusqu'ici et à diviniser la seule certitude que désormais il est, l'irrationnel. L'important, disait l'abbé Galliani à Madame d'Épinay, n'est pas de guérir, mais de vivre avec ses maux. Kierkegaard veut guérir. Guérir, c'est son vœu forcené, celui qui court dans tout son journal. Tout l'effort de son intelligence est d'échapper à l'antinomie de la condition humaine. Effort d'autant plus désespéré qu'il en aperçoit par éclair la vanité. Par exemple, quand il parle de lui, comme si ni la crainte de Dieu ni la piété n'étaient capables de lui donner la paix. C'est ainsi que, par un subterfuge torturé, il donne à l'irrationnel le visage et à son Dieu les attributs de l'absurde. Injuste, inconséquent et incompréhensible. L'intelligence seule, en lui, cessait à étouffer la revendication profonde du cœur humain. Puisque rien n'est prouvé, tout peut être prouvé. C'est Kierkegaard lui-même qui nous révèle le chemin suivi. Je ne veux rien suggérer ici, mais comment ne pas lire, dans ses œuvres, les signes d'une mutilation presque volontaire de l'âme en face de la mutilation consentie sur l'absurde. C'est le leitmotiv de son journal. Ce qui m'a fait défaut, c'est la bête qui, elle aussi, fait partie de l'humanité destinée. Mais donnez-moi donc un corps. Et plus loin, « Oh, surtout dans ma première jeunesse, que n'eussais-je donné pour être homme, même si moi ? Ce qui me manque au fond, c'est un corps et les conditions physiques de l'existence. » Ailleurs, le même homme pourtant fait sien le grand cri d'espoir qui a traversé tant de siècles et animé tant de cœurs, sauf celui de l'homme absurde. Mais pour le chrétien, la mort n'est nullement la fin de tout et elle implique infiniment plus d'espoir que n'en comporte pour nous la vie, même débordante de santé et de force. La réconciliation par le scandale, c'est encore de la réconciliation. Elle permet peut-être, on le voit, de tirer l'espoir de son contraire, qui est la mort. Mais même si la sympathie fait pencher vers cette attitude, il faut dire cependant que la démesure ne justifie rien. Cela passe, dit-on, la mesure humaine. Il faut donc que cela soit surhumain. Mais ce donc est de trop. Il n'y a point ici de certitude logique, il n'y a point non plus de probabilité expérimentale. Tout ce que je puis dire, c'est qu'en effet, cela passe ma mesure. Si je n'en tire pas une négation, du moins, je ne veux rien fonder sur l'incompréhensible. Je veux savoir si je puis vivre avec ce que je sais et avec cela seulement. On me dit encore que l'intelligence doit ici sacrifier son orgueil et la raison s'incliner. Mais si je reconnais les limites de la raison, je ne la nie pas pour autant, reconnaissant ses pouvoirs relatifs. Je veux seulement me tenir dans ce chemin moyen où l'intelligence peut rester claire. Si c'est là son orgueil, je ne vois pas de raison suffisante pour y renoncer. Rien de plus profond, par exemple, que la vue de Kierkegaard selon quoi le désespoir n'est pas un fait, mais un état, l'état même du péché. Car le péché, c'est ce qui éloigne de Dieu. L'absurde, qui est l'état métaphysique de l'homme conscient, ne mène pas à Dieu. Peut-être cette notion s'éclaircira-t-elle si je hasarde cette énormité. L'absurde, c'est le péché sans Dieu. Cet état de l'absurde, il s'agit d'y vivre. Je sais sur quoi il est fondé. Cet esprit et ce monde, arc-boutés l'un contre l'autre, sans pouvoir s'embrasser. Je demande la règle de vie de cet état, et ce qu'on me propose en néglige le fondement, nie l'un des termes de l'opposition douloureuse, me commande une démission. Je demande ce qu'entraîne la condition que je reconnais pour mienne. Je sais qu'elle implique l'obscurité et l'ignorance. Et l'on m'assure que cette ignorance explique tout, et que cette nuit et ma lumière. Mais on ne répond pas ici à mon intention, et ce lyrisme exaltant ne peut me cacher le paradoxe. Il faut donc se détourner. Kierkegaard peut crier, avertir, si l'homme n'avait pas de conscience éternelle, si au fond de toute chose, il n'y avait qu'une puissance sauvage et bouillonnante, produisant toute chose, le grand et le futile, dans le tourbillon d'obscures passions, si le vide sans fond que rien ne peut combler se cachait sous les choses, que serait donc la vie, sinon le désespoir ? Ce cri n'a pas de quoi arrêter l'homme absurde. Chercher ce qui est vrai n'est pas chercher ce qui est souhaitable. Si pour échapper à la question angoissée « que serait donc la vie ?», il faut comme l'âne se nourrir des roses de l'illusion plutôt que se résigner au mensonge, l'esprit absurde préfère adopter sans trembler la réponse de Kierkegaard, le désespoir. Tout bien considéré, une âme déterminée s'en arrangera toujours.